بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دونك بإذن الله تبارك وتعالى nous continuons dans le grand chapitre de la zakat et nous sommes dans le bab masarif zakat, c'est-à-dire alladhina yastahiquna az-zakat, ceux qui méritent la zakat. Alors nous avons mentionné ici le verset qui montre ici ceux qui méritent la zakat. Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم. Alors dans ce verset, Allah a mentionné huit catégories de personnes qui méritent la zakat. Et nous avons vu premièrement al-faqir. Quelle est la définition que nous avons donnée au sujet du faqir? Naam, Abu Bakr. Celui qui détient de l'argent. Mais ça ne suffit pas. Hada alladhi qulna. Naam. À ses besoins. Aywa. Abu Fawzan. N'a pas un salaire, n'a pas une source de revenus et il n'a pas aussi l'argent. Voyez, c'est ce qu'on a dit. Al-faqir alladhi la mala lahu wa la hirfata indahu. C'est ça? C'est lui le pauvre, al-faqir. Amal miski. C'est lui qui a. Il a un peu, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup. Bravo, on appelle certains misquits. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des masakines. Donc, ici, ensuite, nous avons vu la troisième catégorie, c'était quoi? Al-amiluna alayha. Est-ce que c'est ce qu'on a vu avant cela? Al-fuqara wal-masakin wal-amiluna alayha. Non, on a vu al-amiluna alayha. Alors, quelle est la définition d'al-amiluna alayha? Troisième catégorie de personnes qui méritent la zakat. Ceux qui sont chargés de recueillir la zakat et en distribuer. Non. C'est ceux-là qui sont chargés par l'autorité. Non. Le volontaire qui est dans un pays où on ne paye pas la zakat. Non. Le sirandan à l'armée, comme les savants le disent. Voyez. Ensuite, al-mu'allafatu qulubuhum. C'est la quatrième catégorie. Al-mu'allafatu qulubuhum, manhum. Non. طيب un musulman. Celui dont on peut gagner son cœur, on veut attirer son cœur, même s'il est mécréant, on peut lui donner la zakat si on sait que cela peut l'amener vers l'islam. Ça va? On peut lui donner la zakat. On peut donner la zakat aussi à un musulman qui est faible de foi et on sait que cela peut le ramener à la vérité. Ça y est? Naam. Celui-là aussi, on veut épargner les musulmans de son tort, on veut lui donner aussi la zakat. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, comme on n'a pas assez de temps. Al-gharimin. Comme il a dit, innama sadaqatu lil fuqara. Là, c'est la première catégorie. Wal-masakin. La deuxième catégorie. والعاملين عليها la troisième catégorie والمؤلفة قلوبهم la quatrième وفي الرقاب on a vu aussi في الرقاب c'est la cinquième non. Et on a vu que le rikab ici ça veut dire masalan l'esclave qui veut se racheter de son maître. Il veut se racheter avec son maître. Alors on veut lui donner la zakat pour le libérer. Voyez. Et en même temps, on a vu que l'islam favorise, ça va, la libération des esclaves. Mais l'islam n'a pas aboli, comme le disent certaines personnes. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. L'esclavage, baqiyatun, il a qiyam isa. Et nous avons donné quelques détails. Et l'esclavage, prétendu esclavage que certains font aujourd'hui. Ils vont vendre leurs frères aux autres, prétendant que c'est de l'esclavage. Alors ici maintenant, al-gharimina, c'est la sixième catégorie. Donc, الغارمين c'est جمع غارم. وهو الذي تحمل دينا من غير معصية. On n'a pas vu. C'est celui qui a supporté. Oh ben, tu, si tu as déjà vu, tu peux nous dire. Hein? Bon, qu'il n'y a pas les mains. Daoud, fais attention à mon café. Alors, j'ai dit, fais attention. Il sait que tu guettes mon café. Donc, fais attention. Al-gharimina, jamu gharim. C'est le pluriel de gharim. Walladhi tahammala daynan min ghayri ma'siyatin. C'est celui qui a pris la charge d'une dette sans que ce ne soit un péché. Ça va? Une dette, il a pris la charge d'une dette. C'est qui? Sawa un, je vais d'abord lire et je vais vous expliquer, pour que vous compreniez. Sawa un kana tahammalahu hada. Soit, c'est lui-même qui a porté cette dette sur lui-même, ou li ghayrihi, ou bien pour autre personne. Ka islahi bayna an-nas. Tel que le fait de réparer entre deux personnes. Fa yu'ti al-ghari min az-zakat. Donc on donne au gharim de la zakat afin qu'il puisse rembourser sa dette. Qui est le gharim? Le gharim vient dans deux angles. Awalan, tous ceux qui sont endettés rentrent dans al-gharimin. Alors une personne qui est lourdement endettée, on peut lui donner la zakat pour le libérer de sa dette. Mais la gharim al-maqsoud bihi huna, le gharim qui est voulu ici, c'est celui qui va trouver une personne qui est endettée. Il trouve que la personne est endettée, mais la personne n'arrive pas à rembourser. Et que celui qui le réclame la dette le fatigue jusqu'à ce que ça va être un problème entre les deux. Et celui qui vient maintenant, il dit, bon, ok, s'il te plaît, faut laisser, moi, je, Je prends la dette en garantie. Alors, al-Gharib. C'est celui-là qui est al-Gharib. Donc, celui-là, même s'il est riche, je dis bien, même s'il est riche, on lui donne la zakat. Pour l'encourager pour ce qu'il a fait. Parce que c'est quand même une lourde responsabilité. Ça va? Alors, al-Gharib. Et l'islam a incité à cela. Voilà pourquoi l'islam veut qu'on lui donne la zakat. Parce que l'islam a encouragé cela. Parce que là, il y a des gens qui sont endettés. Hein? C'est difficile, ils n'arrivent pas à payer. Au lieu de t'asseoir dans un coin et dire non, lui là, vraiment, c'est pas la peine, il ne peut pas payer sa dette. Lève-toi, va faire l'islam entre les deux. Car le islam, c'est quoi? Donne l'argent de l'autre. Prends la garantie de sa dette et donne. Et s'il arrive même qu'il a donné sur le champ l'argent de l'autre, on lui donne quand même la zakat pour l'encourager. Adaman al-Ghari. Voyez? Ma foi? Maintenant, deuxièmement, al-Ghari, c'est celui qui s'endette lui-même. Celui qui s'endette lui-même pour faire face à une situation pour aider quelqu'un. Ça rentre aussi dans Al-Gharib. Ça, c'est du comprendre. Masalan, il y a une personne qui a un problème. Il sait que vraiment ce problème-là, il est quand même vraiment difficile. Il n'a pas d'argent pour l'aider, pour aider son frère. Donc, il va aller s'endetter pour pouvoir venir aider son frère. Allez, Dieu. Mais ce n'est pas comme certaines personnes qui ils sont lourdement endettés, ils n'ont pas fini de rembourser leur dette. Mais dès qu'ils entendent que quelqu'un a besoin, il va prendre dette encore pour se charger lui-même. Allez, Dieu. Et dans la masala de la dette, il faut comprendre qui paye et qui ne paye pas. Qui peut payer et qui refuse de payer. Ça va? Qui refuse de payer? L'islam n'encourage pas d'aider à payer la dette d'une personne qui refuse de payer. L'anahada fasadun. C'est un mal, fasadun fil ard. Parce que il y a des gens, ils n'ont pas payé de dette, mais ils sont les premiers à prendre des dettes. Un peu seulement ils prennent. Mais ils ne payent pas. Ils donnent des rendez-vous, ils ne respectent pas leurs rendez-vous. Et lorsqu'ils voient celui qui a pris la dette avec lui, s'il a aqallul haya, il a la petite honte en lui, il va se cacher. Mais il y a d'autres qui ne se cachent même pas. Il te voit. Il cause avec toi. Il rit même avec toi. Mais il te voit, ça fait 2 ans. Et il s'en fout. Tant que tu n'es pas venu vers lui pour lui demander, tiens, c'est comment? Là, il dit, moi-même, j'avais oublié. Comment tu peux oublier l'argent que tu dois à quelqu'un? Alors, Haïboun. Non, ces gens de personnes, on ne les aide pas à payer. Parce que c'est de les encourager dans le mal qu'ils font. Si tu l'aides à payer aujourd'hui, demain, il va aller encore prendre avec une autre personne. Et il va attendre. Il attend une délivrance. Que quelqu'un vienne. Et la personne dit, ok. Comme tu as une dette, là, on paye. Lui compte les gens pour payer sa dette. Mais lui-même, il prend dette, il sait qu'il ne peut pas payer. Mais prends tous les engagements du monde. Non, tu sais, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, quand je prends, là, je donne. Il ment pour mettre dessus. Mais quand il prend ton argent, il ne donne plus. Adala Yusa'ad. Celui-là, on ne va pas l'aider. Celui qui, il veut rembourser, mais il a des difficultés. Quand tu le vois, tu le connais. Radulizara'a al-Mudayyin. S'il voit celui qui l'a endetté, celui avec qui il a pris la dette, il a honte. Il le voit, il lui demande pardon. Ahi, s'il te plaît. Il insiste même. Il le voit quelque part, il dit, Ahi, pardon. Si le délai arrive, je vais te donner. Tu vois, quand c'est comme ça, la personne sait que ta tamu, tu accordes de l'importance à ça. Et tu t'en fous. Tu le vois comme s'il n'y a rien, tu le salues. Et après, même tu viens claquer sa main et puis tu t'en vas. Comme s'il n'y a rien entre vous. Adama et Dios. Fi sabilillah. Il y a aussi fi sabilillah. Soyez. Fi sabilillah. C'est le 7e, c'est ça? Hein? Ok. Fi sabilillah. Et ceux qui sont sur le chemin d'Allah. Hada al-masrif. Alors ce masrif là, ce septième là, endroit où on doit mettre la zakat, otawassa'a fihi ba'dun nas. Certaines personnes ont tellement élargi cela. Liyubihu li anfusihim, afin de permettre pour eux-mêmes atasarrufu fi amwalin nas, afin de se permettre de pouvoir agir dans l'argent des gens. Fajalu fi sabilillah, ils ont rendu la fi sabilillah kalimatan wasi'a, une parole qui est générale. Yadkhulu tahta ayyu shay, toute chose rentre dans cela. Ayyu shay in araduhu, tout ce qu'ils veulent. Wa da'amu, ils ont prétendu anna lillahi, et pour Allah, et ça c'est pour Allah. Wa ala da'amul batil, c'est une prétention mensongère. Yannahu law kana hadha sahihan, car si cela était correct, la mahtija an yazkura min dhikri min al-asnaf, Allah n'allait pas avoir besoin de mentionner cela parmi les différentes catégories d'une manière détachée. Car tout cela est sur le chemin d'Allah. Tout ce qu'on a mentionné. Lorsqu'il a parlé des pauvres, des indigents et autres, il allait dire, il n'allait pas dire les pauvres, il allait dire depuis le début, car tout cela rentre dans fisabilillah. Voilà qu'il Fisabilillah, avant de rentrer dans Fisabilillah, qu'est-ce que le cheikh veut dire ici? Il y a certaines personnes, ils se donnent des travaux qu'on ne les a pas confiés, on ne les a pas envoyés. Et ils se permettent de demander aux gens de l'argent. Et quand ils demandent de l'argent aux gens, les gens envoient les zakats et ils mettent, selon eux, dans les endroits où ils disent tout cela fait partie du chemin d'Allah. Vous comprenez? Ils mettent la zakat, par exemple, dans la construction de leur propre école. Et ils disent que ça, c'est plus jamais. Ils mettent la zakat dans les dépenses de leur école. Et ils disent que ça, c'est plus amélioré. Ils mettent aussi la zakat dans le paiement même de leurs enseignants. Ils disent que tout ça, là, c'est plus amélioré. Parce qu'elle a dit, plus amélioré. Tout ça, c'est pas le chemin d'Allah. Enseigner les gens dans une école. Le chemin d'Allah ou pas? Hein? Fisabilillah, n'est-ce pas? Parce que c'est de cela à la parole. C'est pas de cela. Voyez? Donc il faut comprendre cela. Là, il y a une fisabilillah. Fisabilillah ici, passera à salaf, qatibatan. Les salaf ont expliqué cela. Ils ont dit de manière claire, huwa al-jihad fisabilillah. Vous comprenez? Parce que quand Fisabilillah vient dans le Coran, imma yakun jihad, ça c'est le jihad, imma jihad bi seif ou jihad bi al-qalam. Tout ça rentre dedans. Voyez? Donc, lakin tawassa'u fi hadha. Tous les zakats qui viennent, ils disent non, tant que on est sur le chemin d'Allah, on est en train d'enseigner les enfants, on est kafis, on a ceci, c'est une mosquée, on veut construire. Tout ça là, c'est fils et habilité. Et Allah dit, parmi les masarif zakat, fi sabilillah. Hein? C'est fi sabilillah. Là, écoutez bien. Al jihad fi sabilillah. C'est de cela il s'agit ici. Al mujahiduna fi sabilillah. Ceux qui combattent sur le chemin d'Allah, sawa'un kanu al muharabina, que ce soit ceux qui vont combattre réellement, ou talabat al ilm shar'i, ou bien des étudiants en sciences shar'i. فكلهم جهاد في سبيل الله تسرى عند الجهاد في سبيل الله فهؤلاء يجاهدون بالسيف سولا يكمبات avec les armes وطلب العلم الشرعي يجاهدوا جهادهم leur jihad c'est jihad في سبيل الله باللسان والقلم c'est le jihad sur le chemin d'Allah avec la langue et le stylo ولا يقل فضله ومكانته عن الجهاد بالسيف. Et ce degré-là n'est pas moins que le degré de djihad avec les armes. C'est-à-dire celui qui fait le djihad avec la science, qui enseigne les gens, qui étudie, qui réplique les innovations. Hada mujahid. Hada mujahid fi sabilillah. Et ce djihad-là n'est pas moins de degré que l'autre djihad. Wa yahtaju li sabrin. Ça a besoin de patience. Wahum, wahimamun aliyah, et des motivations élevées. Wahua a'azamul jihadayni ala sahih. C'est le plus immense entre les deux jihads de manière authentique, c'est le jihad de la science. A'azamul jihadayni. Le jihad de la science. C'est pas facile. Quand on dit jihad de la science, quand il rentre dans ton lave de l'aide, c'est là tu crois. Et là, tu comprends que c'est vraiment djihad. Tu vas retrouver certaines personnes. Il a la force pour tout faire. Il peut te déplacer même des grands trucs. Mais s'il s'assoit devant un livre, là, il commence à tourner. Il n'arrive pas à se monter. C'est pas facile. Là, il y a la sobre. Ça vient de patience. Et pour t'asseoir, mémoriser des tests, vous pensez que c'est facile? C'est difficile mémoriser et tout ce qui concerne la tête. Tu réfléchis, tu mémorises, tu fais istiskar, tu fais muraja. Hein? C'est pas facile. Et maintenant, si tu as cette science-là, quand tu vas commencer à transmettre avec ikhlas, ce sont les gens qui n'ont pas étudié, qui connaissent rien, qui sont zéro. Ils vont se foutre de toi. Et qui vont décider de faire une synthèse sur ta science. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as besoin de patience. Donc ce n'est pas facile, toi, la blague. Voilà pourquoi, à la souris, c'est Azam ou Jihad. Parce que c'est Jihad. Quel est le maksoud même du Jihad? L'objectif du Jihad, c'est. لتكون كلمة الله هي عليا afin que la parole d'Allah prenne le dessus. Bon, que ce soit avec les armes ou bien la science. D'abord, c'est la science qui est la base. N'est-ce pas? Et c'est pour préserver cette science et enseigner aux gens qu'on a pris les armes pour combattre les mécréants. Vous voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. ومما يدل على ان هذا الجهاد سكن منك سلاي الجهاد قول الله عز وجل لا برد الله اذ وجاهدهم به جهادا كبيرا كومبال سورة الفرقان اذ كومبال دين جهاد كبير كان ذي جهاد لا ومعناه جاهدهم بالقران كومبال avec le Coran اي بالعلم الشرعي كومبال avec la science légiférée. Alors, la science est djihad. Donc, طالب العلم الشرعي l'étudiant en sciences charaï, il fait partie des gens qui méritent la zakat. Yoto kifayatahu, on lui donne ce qui le suffit, mimali zakat, de l'argent de la zakat, liyastamirra fi talabihi, afin qu'il continue dans son talab al-ilm. Non. Yanna, il a talab rajul al-ilm, si l'homme cherche la science, il s'occupe. On ne peut pas associer les deux. Al-amal ou l'aïd. Wadifa ou l'aïd. C'est vraiment difficile. Sauf si ta wadifa est dans un contexte de la science. Moi, ça rentre un enseignant dans les madaris. Ça, c'est dans le contexte de la science. Mais tu vas aller faire manawa. Et puis venir faire l'aïd. Ou bien, tu vas aller dans les entreprises, tu sors le matin, tu rentres le soir, et puis venir apprendre à il. Vraiment, c'est des efforts qu'il faut faire. Mais, l'un de ta parole, tu ne pourras pas te vider pour la science. Al-ilmu in ataytahu kullak yu'tika ba'dahu. La science, si tu donnes tout ton temps à la science va te donner une partie de lui. Maintenant, si tu sors le matin, tu rentres le soir. Il y a seulement 30 minutes souvent pour lire un petit livre ou même réciter le Coran. Ce n'est pas facile, les croix. Voilà pourquoi, si quelqu'un parmi vous a décidé d'emprunter ce chemin et qu'il vous enseigne Al-Haqqubikum, ce qui vous convient, c'est de le pousser, de l'aider. Parce qu'il est le seul qui a emprunté ce chemin-là. Et vous autres, vous n'avez pas emprunté ce chemin. Vous travaillez, alors utilisez de ce que vous gagnez pour pouvoir le soutenir. C'est très important. C'est un bab dont il faut en parler. Parce que certaines personnes pensent que... Et c'est ce qui fait qu'en général, les gens se foutent de tout là avec la vie. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas ce qui les suffit. Ensuite, le monsieur, il vient à la mosquée, il dit non, l'imam là, il aime qu'on lui donne l'argent. Quand toi tu sors le matin, puis tu rentres le soir, tu es parti chercher quoi? Hein? Vous voulez qu'il fasse quoi? Comment? Voilà pourquoi certains riches, tu vois, ils achètent l'imam. Et puis bon, c'est fini. Mais il n'a rien. Il lui donne maison, il lui donne... il paye son électricité, il fait ce qu'il veut pour lui, maintenant après il dicte ce qu'il doit dire sur le minbar. Il lui dicte cela. Tu n'es pas d'accord, tu libères chez vous. Mais de vous à moi, s'il quitte là-bas, il va aller où? Il s'est dit qu'il n'a pas quelque part où aller. S'il ne craint pas Allah, il va prendre sa religion. Parce qu'il est face à une difficulté et les musulmans n'ont pas fait face à cela. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le chemin. Voilà, yashghal nafsahu bi talab ar-rizq, afin qu'il ne s'occupe pas à chercher de l'argent. Wa yatamakkan min nusrati dini la, afin qu'il soit capable maintenant d'aider la religion d'Allah. Bil ilm al-shar'i. Non. Parce qu'il est là. On lui donne la zakat pour qu'il va le suffire. Ensuite, on lui donne ce qui va le suffire et il sort le matin, il rentre dans sa maktaba. Il bosse, il étudie, il fait des bahs, il fait des khutab, il vous donne des cours, il vous enseigne. Voilà sa vie. Mais si on ne s'occupe pas de lui, hein? Le problème aussi quand il dit occupez-vous de lui, certaines personnes ils font ça, ils ont fait qu'on a amwalahum bil manni wal adha. D'autres sont comme ça. Ils dépensent leur argent bil manni en rappelant chaque fois le bien qu'ils ont fait à l'imam. Ils te rappellent. C'est-à-dire que Tel jour-là, c'est moi qui ai fait le baptême de ton fils. Akika. C'est moi qui m'occupais de ses enfants. C'est moi qui envoie ses enfants à l'hôpital. C'est moi qui paye sa maison. Il n'est pas reconnaissant. Il est ingrat. Adaman. Wal Ada. Et puis, te font du tort pour mettre des chiens. C'est ce qui a fait que beaucoup d'étudiants, ils n'acceptent pas. Tu viens, tu tapes, ils savent que derrière ta main, il y a quelque chose. Quand tu tapes, ils savent que derrière là, il y a quelque chose qui va venir après. Donc c'est ce qui fait qu'ils n'acceptent pas. Allah nous préserve. Et de ce que les savants ont enseigné aux étudiants en sciences, c'est de ne pas accepter aussi l'argent des gens. Ça les restreint dans le da'wa. Il ne peut pas faire la da'wa. Parce que la majorité des gens ne donnent pas à cause d'Allah. S'ils t'ont donné, sache que demain ils vont te rappeler. On dit c'est nous on a fait ça, c'est nous on a fait ça. Ils vont placer maintenant ton honneur dehors. Pour nous préserver. Wabni Sabil. Et le huitième, c'est Wabni Sabil, c'est ça? Hein? Wabni Sabil, ou al-Musafir. C'est le Musafir al-Munkati wa al-Baladi. Qui s'est coupé de son pays, wa ahli wa mali. Sa famille et son argent. Il a besoin d'argent. On lui donne ce qui va le faire arriver dans son pays. De la zakat. Mazalan, dis-moi, j'ai zakat, même si c'est 100 000. Et qu'il y a un Bounou Sabil qui a besoin de 2 000 francs pour aller quelque part. Il est arrivé à Abidjan, il doit retourner à Zopé. Il n'a pas d'argent. Je lui donne 2 000. Je ne lui donne pas plus. Il lui donne 2000 pour retourner. S'il n'a pas de transport, il lui donne 2000. Dans la zakat. C'est ce qu'il mérite dans la zakat. Ça va? On ne lui donne pas beaucoup, hein. On lui donne 2000 seulement. Si c'est 2000 qu'il y a le transport, il lui donne 2000 francs. Parce que, Ibn Sabil, Fayouti Mayoussilou il a baladi. On lui donne ce qui va le faire arriver dans son pays. Il a l'engagé une manière après nous. S'il n'a pas trouvé quelqu'un avec qui prendre un prêt. Amma, il a voyagé la manière après nous. Mais s'il a trouvé quelqu'un qui va lui donner un prêt, Fawa Ghani Yumbiha Dabkar. Il est riche par ce corps-là. C'est-à-dire, il n'a plus besoin. Waindama Yarjou, s'il retourne maintenant, Yaruddul Kharab. Il va maintenant retourner la dette. Non. Vous comprenez? Wabn Sabil, c'est celui qui voyage qui est en difficulté. Il ne sait pas comment arriver là où il s'en va. Donc Allah a autorisé qu'on enlève un peu de mal zakat, ce qui va lui suffire. Si c'est 500, on enlève 500 plus de tout. Transport avec 500. Ça me dit quoi? Son agent de. C'est une très bonne question. Non. On lui donne de la zakat ce qu'il a donné pour rembourser. Alors, mais certains savants disent que pour l'encourager, on peut ajouter plus. Il n'y a pas de had quoi. Parce que ici, là, Allah n'a pas dit d'une manière, ils sont de deux catégories. Ça va? Il y a celui qui est endetté lui-même, qui s'est endetté lui-même pour aider quelqu'un, ou bien qui a fini une discussion entre deux personnes, l'autre avec des dettes sur l'autre. Ça va? Mais Ibn Sabil, pour lui, là, c'est khas. Pourquoi? Parce que Ibn Sabil, c'est celui qui est en voyage. Et dans ce voyage-là, il a besoin seulement d'arriver quelque part. Et pour arriver quelque part, il a besoin d'une somme. S'il n'a pas, il doit chercher quelqu'un avec qui prendre une dette. Maintenant, s'il n'a pas eu, on lui donne la zakat. Ça va? Mais s'il ne connaît pas quelqu'un dans le pays, on lui donne la zakat. Khalas. Voyez. Voilà, yajribu an tusarrafa zakat fi kulli hadhihi al-asnam. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'on donne la zakat dans toutes ces catégories-là. Alors, quand on a les chars, c'est une alpha dinar, zakat de Mali. Si une personne a 1000 dinars, des zakat de son argent. Alors, il y a du voile, il y a pas un chars, c'est une cour de signes féminins, c'est un yon fika alayhi min mali zakat. Ce n'est pas obligatoire pour lui qu'il dise, bon, comme j'ai 1000 dinars, je vais d'abord chercher al-faqir, je lui donne un peu. Après, je vais trouver miskin, je lui donne un peu. Après, je vais trouver Al-Amiluna Aleya, je lui donne un peu. Après, je vais prendre Al-Gharimin, je lui donne un peu. Après, je vais prendre Wafir Riqab, je lui donne un peu. Là, ce n'est pas une obligation de faire ça. Ok? Fala yujaru dalilun ala hada. Il n'y a pas de preuve sur cela. Voilà, anna usarafa fi sinfin wahid. S'il avait dépensé cela dans un seul, dans une seule catégorie, la jaza wa ajaza anhu. Alors ça suffira et cela va le décharger. Wal ayatu bayyana jinsu man yastahiqu zakat faqat. Le verset a clarifié jinsa man yastahiqu zakat faqat. Les catégories de personnes qui méritent la zakat seulement. Mais Allah n'a pas dit qu'il faut donner tout cela d'un seul zakat. Fahaulahi mayasahikuna zakat. C'est ceux-là qui méritent la zakat. Non. Non, ça rentre pas dedans. Pour récupérer la zakat. C'est de cela même on parle, c'est de cela même on est en train de dire que ce n'est pas normal. D'abord créer un bureau ou bien une caisse. On dit que c'est une caisse de la da'wah. Ça va? Et cette caisse-là, on va mettre de l'argent dedans et puis on va enlever pour les courses de la da'wah et tout ça. Ça, ce n'est pas restreint. Puis sa vie est là, soit on dépense. Ou quelqu'un qui est sur le djihad, on lui donne de l'argent qui va lui suffire pour faire le djihad, ou bien un talib ilm qui étudie la science, on enlève la zakat, on lui donne. C'est les asnaf. Mais c'est pas une communauté, c'est pas une jama'a. Est-ce que tu comprends? Et effectivement, les associations, ils font ça beaucoup. Ils font ça beaucoup. Ils passent dans les mosquées et disent, si vous avez la zakat, on a un bureau de la da'wah, donc vous donnez la zakat, on va mettre dedans. Et ils mettent cela dans le bureau. Ceux maintenant qui vont utiliser cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enlever, ils vont donner à des gens qui n'en ont pas besoin. Les membres de l'association, ils roulent dans les véhicules, dans les voitures, ils ont des maisons, mais on enlève ça dans l'argent du bureau là pour les donner. Pourquoi? Hatta talib ilm. C'est le talib ilm alladhi la yajidu kifayatahu. Qui ne gagne pas de quoi, yani se suffit. Donc lui, on lui donne de la zakat. Le mujahid aussi, il dépense fils à vie, il est là. Si lui, il en a. Comme à l'époque du professeur Al-Sallam, Othman bin Affan, Abu Bakr Siddiq, ils ont dépensé. Tayyib, ils ont dépensé pour leurs frères. Pour ceux maintenant qui n'ont pas des armements, qui n'ont pas des armures, qui ne savent pas comment aller en bataille, tu dépenses sur lui. Tu lui donnes la zakat pour qu'il puisse avoir de ce qu'il a besoin pour aller faire le djihad. Voyez? Non. Alors nous faisons. Falaka antum fiqa zakataka fi silfi al-awwal wa thani wa thalith al-akhir. Donc tu dois juste dépenser ta zakat dans la première catégorie, ou bien la troisième, ou bien la quatrième. Au fait, Hadith Mouaz, Dans la vie de Moaz, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا سَتِبْرَوْا كِمْ مَنْسِكُوا نَدِي فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كُلِّ الْأَصْنَافِ Il n'a pas mentionné tous les signes. Il a mentionné seulement Faqir. Dans les hadiths de Moaz. Ou bien تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى Il a mentionné seulement un signe. Il n'a pas mentionné tout. Donc, si ça montre que c'est à tous ceux qu'on devait donner un à un, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à la kulli l'asna. N'est-ce pas? Wa qala sallallahu alayhi wa sallam li Qabisa. Il a dit aussi à Qabisa, Aqim indana, reste chez nous, hatta natina sadaqa, tatina sadaqa, jusqu'à ce que la zakat vienne, fana murula kabiha. On va ordonner qu'on te donne. Fa kana yuridu a ya'mura bis sadaqa. كلها لقبيصة. الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أردنكم دون لتوت لزكاة قبيصة. فإنه هنا صرفها في مصرف واحد. إلى dépenser la zakat dans un seul endroit. وهذا يدل على جواز صرفها. Cela montre que c'est autorisé de placer في مصرف واحد dans une seule catégorie. طيب. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre dit « وَتَحْرُمُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ » Alors la zakat est interdite sur Bani Hashim. « وَمَوَالِيهِمْ » Qui sont les Bani Hashim? Non. La tribu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont Bani Hashim. Ça va? Soyez. On va voir ici. Banu Hashim, هم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ceux dont, parmi eux, il y a le prophète صلى الله عليه وسلم. Ça va? Il y a le prophète صلى الله عليه وسلم. Banu Hashim, c'est la grande famille. Hashim, il avait des enfants. Et c'était quatre enfants. Asad, Wasifi, Wanadla et Abdul Muttalib. Et voilà, il y a beaucoup de Hashim. Et l'enfant qui est resté pour Hashim, c'est de sa descendance, c'est Abdul Muttalib. Comme a dit l'imam Ibn Hazm. Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, il avait des enfants. Et il avait 10 enfants. Abdullah, qui est qui? Le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hamza. Qui est l'oncle. C'est le frère de Abdullah. Hamza. Abbas. Le père d'Ibn Abbas. Abu Talib. Le père d'Ali. Abu Lahab. C'est l'oncle aussi du professeur. Hein? Et d'autres. Voyez, Haris fait partie aussi des enfants d'Abdul Muttalib. Donc tout cela, la zakat est interdite pour eux. La famille de Bani Hashim. Et il n'est resté de la famille de Bani Hashim que la famille d'Abdul Muttalib. Et de ceux-là maintenant, il y a Abdullah qui est le père du professeur sallam, Abu Talib, Hamza. Et puis, Abbas, Abu Lahab. Donc, tous ceux-là font partie de Banu Hashim. La zakat est interdite pour eux. Tayyib, ici, le Qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaha la tahillu. La zakat n'est pas permise de Muhammadin. Pour Muhammad, voilà les âles de Muhammad et ni pour la famille de Muhammad. Innama hiya awsakhin nas. Innama hiya as awsakhin nas. Awsakh, c'est jamu wasakh. Qui veut dire sale. Diddu tatahir. Purification. La zakat, c'est pour quoi? C'est pour purifier. Hein? les personnes, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Donc la famille de Abdul Muttalib, la famille de Abi Hashim, ils sont devenus musulmans, sont les gens qui n'ont pas besoin de ça, car ils sont purs. وأدخل بعض أهل العلم بني المطلب. D'autres ont mis Bani al-Muttalib ma Bani Hashim fi ta'rim al-zakat alayhim, dans l'interdiction de la zakat. Li qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam fihim ba'da an a'tahum sahma zawi al-qurba, après qu'il a donné la portion de ceux qui sont proches. Qala la naftariqu fi jahiliyati wa la fi islam, on va pas se séparer dans la jahiliya ni dans l'islam. Ça va? Parce que d'autres ont mis parmi les Bani Hashim, il y a d'autres qui ne sont pas Abdul Muttalib, les enfants d'Abdul Muttalib. D'autres ont voulu mettre la différence. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a farraqa, n'a pas mis la différence. Aïe, c'est-à-dire Banu Hashim et Banu Abdul Muttalib, c'est la même chose. Ça va? Ama Banu Hashim, faqad ajma' al-ulama ala tahrim zakat ali. Banu Hashim, les savants sont unanimes sur le tahrim des zakat sur eux. Wa yadkhulu fihim, les enfants de Abdul Muttalib. Amma mawalihim, quant à leurs mawalihim, mawalihim c'est fahum utaqa'uhum, c'est-à-dire ceux qui ont été libérés de l'esclavage et qui sont parmi eux. Tayyib, wa hum al-abir alladhi yakununa indahum, ce sont les esclaves qui étaient chez eux, summa yantiqunahum. Vous savez, avant, quand ils affranchissent l'esclave, ils lui donnent le choix de rester ou bien de partir. Donc l'esclave choisit de rester et il est dans la famille. Ça va? Ce qu'on appelle les mawali. Ça va? On peut dire les protégés. Les gens qui sont avec la famille. Ça va? Fayusamuna mawali fatahrimu alayhim aidan. La zakat est interdite aussi sur eux. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, inna sadaqa la tatahillu lana, la zakat n'est pas permis pour nous. Wa inna mawali al qawmin anfusihim, il dit les mawali d'un peuple font partie d'eux-mêmes. Ça va? La zakat nous n'est pas permis, mais les noms mawali sont parmi nous. Ça va? Wa ma'ana min anfusihim ay ka annahum minhum fa hukmuhum ka hukmihim, c'est-à-dire c'est comme ils sont parmi eux, dans le jugement rend dans leur jugement aussi. Ça va? قال المؤلف رحمه الله, excusez-moi, on va finir cette partie. Hein? Le gars du livre dit wa ala al-aghniya wal aqwiya al-muktasabin. Et sur aussi, c'est interdit sur les riches et ceux qui sont forts, qui font le iktisab, qui peuvent sortir pour acquérir. Ça va? Al-aqwiya, ceux qui sortent pour acquérir et qui ont l'argent. C'est-à-dire, tahrumu zakat al-mal al-ghani, c'est interdit pour le ghani. Wa kullu man wajada kifayatahu, et toute personne qui gagne ce qui lui suffit. Ça va? Le qawli sallallahu alayhi wa sallam la hadda fiha al-ghani, il n'y a pas de portion dans la zakat pour le riche, wa la lilladhi mirra sawiyya. في رواية ولا لقوي مكتسب المرة هي القوة والشدة العقل. Ça va? Donc la zakat est interdite pour celui qui est riche et celui qui a la force d'aller obtenir de l'argent et que cet argent là lui suffit. طيب ويستثنى من ذلك العامل عليها, mais on excepte seulement celui qui travaille dans la zakat. Parce que celui-là, même s'il est riche, on doit lui donner la zakat. Wa man taqaddama dhikruhum, et ceux qu'on a mentionné on a parlé de al mujahid fi sabilillah, tel que le mujahid sur le chemin d'Allah, fa innahum wa in kanu aghniya aw aqwiya, s'ils sont riches ou bien ils sont forts, fa inna zakat tahillu lahum, la zakat leur est permis. Wa la tu'ti zakat liman tajibu alayhi al muzakki nafaqatuhu, alors on ne donne pas la zakat aussi à celui dont Celui qui donne la zakat dépend sur lui. C'est-à-dire, les sous, ça change. C'est compris? Kazaouda, comme l'épouse, wal aoulad, les enfants, wal aba, les pères, les anadab, zakat, les haoula. Car donner la zakat à ceux-là, yurnihim, aninafokatil wajibatali. Car ça va faire en sorte que lui, maintenant, il sera plus obligé de dépenser sur lui. Ainsi, il donne la zakat, il devient moustakilot, indépendant. Ils ont pris leur indépendance, donc tu les charges de chez toi. Et puis tu lui dis, bon, je te donne la zakat, mais tu quittes là. Tu t'occupes de toi-même. Si tu ne peux pas faire cela, tu ne lui donnes pas la zakat, parce que c'est toi, tu dépenses sur lui. Voyez. Fayahfazuma lahu bizakati. Alors il préserve son argent par la zakat qu'on lui donne. Fakahannahum lam yuzakki. C'est comme, il n'a pas fait la zakat. Summa inna haula. Ceux-là, on les considère comme des gens qui n'ont pas besoin par le fait que lui, il a fait qu'ils ont quand même été, ils ont suffisamment été vraiment à l'aise. Donc, ils n'ont pas besoin. Vous voyez? Le fait qu'ils dépensent sur lui, sur eux, on va renier. Donc, ça veut dire qu'il se passe. On les considère comme des gens qui sont riches, muktafin bi nafaqati. Il se suffit de ça, la nafaqa qui va sur lui. Wa kadhalika la yajuz ita'a lil kuffar ghayr mu'allafat qulubi. Et ce n'est pas permis aussi de donner aux mécréants qu'on ne cherche pas à gagner leur cœur. Tukhadh min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Alors ce hadith veut dire al fuqara'ihim, fuqara'ihim, ay al muslimin, les musulmans. Parmi les objectifs de la zakat, c'est afin que les musulmans soient suffisants, pas les mécréants. Il n'est pas permis aussi de donner à l'esclave. Car l'esclave se dépense un comme à son maître. Il est riche par le fait que son maître est riche. Et il se suffit par le fait que son maître se suffit. Parce que l'esclave ne détient pas. Son argent appartient à son maître. Le Qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, manibta'a abdan, celui qui achète un esclave, walahu malu. Son argent l'appartient. Famalu lilladhi ba'a. Afwan, walahu malu. L'esclave a son argent. Famalu lilladhi ba'a. L'argent de l'esclave appartient à celui qui l'a vendu. Il a un yashtarita al-mubta'a. Sauf si conditionne la personne qui achète l'esclave. Il conditionne, moi, il dit, si j'achète ton esclave, tout ce qui le concerne m'appartient. Mais s'il a acheté l'esclave, et que l'esclave avait de l'argent sur lui, et qu'il trouve l'argent sur l'esclave, il a acheté l'esclave, mais il n'a pas acheté son argent. Donc il retourne l'argent à celui qui l'a vendu. L'esclave. Parce que celui qui l'a vendu détenait l'esclave avec son argent. وَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ وَلَهُ مَالٌ فَلَامُهُ هُنَا لِلِاخْتِصَاصِ وَالِانْتِفَاعِ. Et il a l'argent sur lui. L'ikhtisas ou l'intifa'. Caractère spécifique, il a l'argent, il profite de cet argent. أي له مال يختص وينتفع به. Mais ce n'est pas le lam ou le milk. وله المال. Elle dit يملك المال. L'esclave ne détient pas. A Kaulina, Assurud, l'Elfaras. Comme on dit, Assurud, c'est-à-dire la chaîne qu'on met sur le cheval, appartient au cheval. Est-ce que ça l'appartient? Ça ne l'appartient pas, c'est celui. Parce qu'il profite de cela. Mais ça ne l'appartient pas. Alors, aucun alam de mille, alors si le lam était pour l'appartenance, la qu'un al-mal, mais haqi seyid et indabaye. Alors, l'argent sera le droit de celui qui a acheté lorsqu'il a acheté. Donc, Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse la mise en pratique. Donc, on a fini le bab de zakat ici. Il reste petit bab sur la Fatal Fitr. Inch'Allah ta'ala. Donc, il serait entre deux options. Soit nous continuons dans le kitab. ou bien soit nous allons faire un qafz, c'est-à-dire sauter, parler dans Babul Mu'amalat et parler de Babul Bay wa Shara avant de revenir. Parce que c'est un chapitre dont on a besoin. Le Mu'amalat, de cela rentre le mariage, la vente et puis l'achat, les interactions, les différents types de commerce. Parce que c'est important. Et beaucoup ne savent pas. Ça va? Et pour cela, on va faire beaucoup de bases et on va ouvrir beaucoup de questions pour qu'on puisse comprendre ensemble les sujets. Et vous, faites l'effort de trouver avec vous des cahiers, des choses pour prendre des notes. Parce que ça serait quand même important. Il y en a un as, il y a un yadkulun avil bay wa shira. Voilà, il y a un had al-bab. Ils rentrent dans la vente et l'achat, mais ils ne maîtrisent pas ce chapitre. Et beaucoup de personnes rentrent dans les haram sans le savoir. Assalamu alaikum wa salam. Assalamu alaikum wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.